Bonsoir à toi qui me rejoins. Tu es dans l'Esprit Libre. Esprit Libre numéro 12. Tu viens d'entendre un morceau de Magma dont le titre est imprononçable. Alors, Magma, c'est un truc qui s'écoute dans la meilleure qualité sonore possible. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est tu te prends une claque, quoi. La première fois que j'ai écouté Magma, je me suis pris une claque. Ça et puis Dead Can Dance, c'est des claques. Voilà. Tu sais que je suis en compagnie de mon horloge. Je t'ai pas parlé de mon horloge. J'ai une horloge à côté de moi et elle m'indique l'heure. C'est ma fille qui me l'a offerte et j'ai. Ouais, je sais pas si elle s'entend, mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle s'entende mieux. C'est une présence, ça m'aide à rester avec vous, à pas partir au lointain, et je dois rester un petit peu présent. Niveau musique, ce qui vous attend, deux titres français, Mano Solo, Rentrer au port, et Pigalle, avec le morceau Partir. Partir loin d'ici. Qu'est-ce que j'aimerais partir et puis refaire ma vie ailleurs. Je sais pas, sur une île, quelque part, ou seul. J'ai besoin d'être seul. Avec mon ordinateur, ou un frigo. Parce que j'adore la bouffe. C'est d'ailleurs mon problème, je suis camé à la bouffe. Je me nourris pas pour me nourrir. Je me nourris pour me gaver, en fait. Et ça me fait du bien d'avoir le bid plein, quoi. Je sais, c'est pas bien, mais je craque. C'est une vraie drogue, la bouffe. Mano Solo, Rentrer au port. Et Pigalle, Partir, je te l'ai déjà dit, je te le redis. Et je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure. Nous sommes le 20 octobre, jeudi 20 octobre 2022. Et au moment de cet enregistrement, il est 18h18. Allez, à plus, à tout à l'heure. Les rues ne sont que des fleuves de feu où se consument les amoureux. L'amour, c'est pas pour moi. C'est un truc pour les gens qui pleurent de plaisir ou de bonheur. Mais mon corps est à sec, plus une larme ou même un cri sortant du bec. Rien à dire et rien à vivre, je ne fais que passer. Ne sont que des fleuves de feu où se consument les amoureux. Les rues ne sont que des fleuves de feu où se consument les amoureux. Il y a bien longtemps déjà, madame, que j'ai abandonné les rames et que le fleuve me trimballe sans idéal à mijoter dans ma timbale. Le ciel est tellement grand qu'il peut parfois faire froid. Je me laisse porter par le courant et j'essaye de ne plus penser à toi. Ne sont que des fleuves de feu où se consument les amoureux. Thank you. marinier du bûcher. Sans regarder, sans même y penser, je navigue sur les braises au fond des gorges et des falaises. Mon gouvernail est parti dans les flammes et depuis j'ai cessé d'espérer rentrer au port sans tout qui crame et que lui-même n'ait pas cessé d'exister. Les rues ne sont que des fleuves de feu où se consument les amoureux. Les rues ne sont que des fleuves de feu où se consument les amoureux. J'ai laissé les clés aux voisins pour l'agence immobilière, mais cette cabane je n'en tirerai rien, fissurée du sol aux gouttières. Je le regretterai quand même, ce bocal de tant d'années, ces vieilles pierres qu'on aime et l'odeur de cheminée. Juste un soupir et toucher le mur avec son papier peint usé, quelques antiques gravures, tout un petit peu fané. Partir, partir, partir, partir. La voisine a rentré les enfants, je ne les verrai pas grandir. Leurs blagues et leurs cris stridents me faisaient si souvent rire. Des souvenirs acides et sévères me laissent de l'amertume. Je voudrais juste dégager d'un revers et gommer orage et brume. Les cicatrices vont pâlir, les traces vont s'effacer, tout devrait s'attendrir, les déchirures s'amenuiser. Partir, partir, partir, partir. Revoir juste avant de m'enfuir le quai des rendez-vous galants, celui de tous les soupirs où se croisaient le soir tous les amants. Ce fut une succession de maladresses et aussi des émois cristallins. Une vie sans grande tendresse, une quête avide de câlins. Partir, partir, partir, partir. Les images s'estompent doucement, mais il reste encore quelques bijoux, des odeurs, des moments gourmands qu'on voudrait garder jusqu'au bout. Pas de rêves inutiles, pas de faux illusions, pas de leurres, juste un brin de plaisir futile, une lichette de bonheur. Partir, partir, partir, partir. Les mouettes dans le ciel là-haut tournent, tournent, tournent sans cesse. Moi, le nez collé au carreau, faut que je bouge, le temps presse. Ce sera le dernier voyage, bien plus loin que l'infini. Il était temps que je plie bagage et m'éclipse là-bas, c'est fini. Partir, partir, partir. On va continuer ce programme avec Shooty's Groove et le morceau The Craze et Sepultura Roots, Bloody Roots. Ça, c'est un petit morceau. Le premier, c'est que m'a fait découvrir Necromongers, voilà. Donc, je le salue bien et je le remercie. Parce que Internet, c'est aussi ça. Facebook, c'est aussi ça. C'est pas uniquement je raconte ma vie, j'ai fait pipi, j'ai fait caca. S'il y a des gens qui partagent des trucs, et moi, si je suis sur ce réseau, c'est justement pour ce plaisir-là, quoi. Donc, merci encore à lui. Et n'hésitez pas à me faire découvrir vos petits plaisirs. Allez, à tout à l'heure. Vous êtes dans l'esprit libre. distance et toutes les photos aériennes indiquent la présence d'arsenaux défensifs dans la zone C et la zone D. Et ils ont des batteries de DCA et des escadrilles de chasseurs Nagajina. Ça constitue un bouclier aérien qui peut neutraliser toute attaque. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. J'ai gardé un éclat dans la tête gros comme une tasse. La bataille d'Albagil. Le seul truc pour retenir cette moumoute, c'est un aimant magnétique logé à l'intérieur du lobe droit de mon crâne. Alors, je vous laisse agir à votre idée. Est-ce qu'il y a du rumsteak? Sûrement oui, j'appelle le mess un petit instant. Merci, Paul. Ah, j'adore le rumsteak. Ou bien c'est la langue de bœuf? Ah, oh, cette blessure. Voyons, la langue de bœuf, c'est quelle partie de l'animal? La tête. We'll be right back. Nous voilà de retour après un petit Metallica, Black Need et Slayer, Angel of Death. Pour la suite, je vous ai prévu un petit Fleetwood Mac, No Place to Go et 10 Years After, Sweet Little 16. Voilà, vous êtes dans l'esprit libre. Bonne continuation. Le programme, j'espère que le programme vous plaît. Allez, bisous, à tout à l'heure. Yourself a youngster, you can't stand me no more. Little 16, well, she's got a hell, bad habit. L'émission touche à sa fin, mais on va pas se quitter comme ça, comme des cons, sans se dire au revoir. On va se dire au revoir, bien sûr, mais en musique, c'est le bonus avec les Smashing Pumpkins, c'est le morceau zéro. Voilà, ça c'est calé, et je vous dis à la prochaine, en espérant vous retrouver très bientôt. Bye bye, bye à tous, et bonne soirée. Bonne nuit, bonne journée, bon apéro, bonne Pâques, bon Halloween, ce que vous voulez. Ciao, ciao, ciao! And God is empty, just like me.